présent tous les matins, on se feeling en le moins. Moi qu'à attendre lever pour pas chercher la moyenne. Fais la vie moi changer, moi péché qui t'es parti, à présent.